Bébé, je te rends tes clés. Oh. Tu pourras les confier à cet autre qui saura t'écouter, saurait te comprendre, pourrait accepter ton métier, tes amis, ta famille. Tu m'en vas désolé, désolé, désolé. Est-ce que je peux rentrer? Il faut que je te parle avant de m'en aller. Si ce choix je l'ai fait, c'est parce que je n'arrive plus à supporter de vous tromper. Ça ne rime plus à rien. Bébé, je suis désolé, désolé. J'ai plus de rancœur, tu brises mon cœur. Toujours, toujours, toujours, toujours, toujours. J'ai trouvé l'erreur. Tu t'es dit.